بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On est arrivé à un autre sujet dans le livre de Cheikh Al-Fawzan, Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, ila Sahih al-I'tiqad, et c'est Al-Shirku fi Ta'a. Donc le Cheikh nous dit Al-Shirku fi Ta'a, I'lamu wafaqani Allah wa iyyakum. أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عن عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم رواه الترمذي وغيره. Donc le chef il commence à expliquer le sujet. Al-shirk fi ta'a, le shirk dans l'obéissance. Et qu'est-ce qu'il veut dire dans le shirk dans l'obéissance? Eh bien, il dit, sachez que Allah nous donne à nous, que Allah donne à moi et à vous le succès. Et c'est que le shirk fi ta'a, il parle du shirk dans l'obéissance des savants et dans l'obéissance des dirigeants. Yahamukallah. Non. Alors, c'est-à-dire, quand tu obéis aux savants et aux dirigeants, en rendant halal ce que Allah a interdit, en rendant halal ce qu'Allah a déterminé comme étant haram, ou en rendant haram ce que Allah a déterminé comme étant halal. Tu comprends? Donc, quand tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit quelque chose, mais pour au lieu de suivre ça, tu suis les paroles d'un savant qui sont contraires à la parole d'Allah, ou tu suis les paroles d'un dirigeant ou d'une personne qui dirige, et tu acceptes son verdict ou son décret sur ce sujet-là, alors que tu sais que c'est contraire à la parole d'Allah. Ça, c'est une forme de shirk, une forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as associé cette personne-là avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de rendre interdit ou permis. Parce que ça, c'est un des droits qui est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de permettre ou d'interdire quelque chose excepté Allah et son messager. Et bien entendu, le messager, il interdit seulement ce qu'Allah a interdit, et il ordonne et il permet uniquement ce qu'Allah a ordonné et permis. Donc après, le chef, il explique, il dit, un des versets dans le Coran qui parle de ce sujet-là et qui dit, à propos par exemple des chrétiens et des juifs, Allah dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que Jésus-Christ de Marie. Pourtant, il n'était ordonné que d'adorer Allah seul. La ilaha illahu. Rien ne mérite l'adoration à part lui. Subhanahu amma yushrikun. Qu'il soit purifié de ce que les mushrikins lui donnent comme associé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce verset qui est dans Surah Tawbah. Alors, lorsqu'il récitait ce verset, un des sahaba est passé près de lui. Et ce sahabi-là, il était chrétien avant. Alors, quand il a entendu ce verset, ça l'a comme surpris. Il a été surpris d'entendre ça parce que, il croyait pas que qu'est-ce que les chrétiens faisaient, c'était une adoration pour les moines et pour les rabbins, par exemple. Alors, il s'appelait Adi ibn Hatim, At-Ta'i. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, nous, on les adore. On les adorait pas, nos moines et nos rabbin. Pourquoi Allah dit dans le Coran qu'on les a pris comme des seigneurs en dehors d'Allah? Parce que lui, il pensait que Allah voulait dire que yani, ils les prennent des seigneurs en dehors d'Allah dans le sens qu'ils se prosternent à eux et qu'ils les adorent, ils prient à eux. Tu comprends? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il lui a répondu en disant, n'est-ce pas vrai que il vous permettait ce qu'Allah a interdit et vous le rendiez permis, et il vous interdisait ce qu'Allah a interdit et vous le rendiez interdit. Tu comprends? Ce qui est interdit, il le rend halal et vous les suivez, et ce qui est permis, il le rend haram et vous les suivez là-dedans. Alors Ali, il a dit oui, c'est vrai. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà comment vous les adoriez. C'était de cette façon-là que vous les adoriez. Alors ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et par d'autres parmi les savants de hadith. Et puis c'est un hadith qui nous explique en réalité que l'ibada, l'adoration, c'est pas seulement de prier, de jeûner, de faire le hajj ou des choses comme ça, mais aussi ça implique aussi d'adorer, de suivre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et de ne pas obéir à personne dans ce qui est contraire à la révélation. Après le cheikh dit, وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم، وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته بتحليل الحرام وتحريمهم الحلال، بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، وأن ذلك يعد عبادة لهم من دون الله، حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر لقوله تعالى في الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc le cheikh il explique et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, ou il a fait l'explication de prendre les moines et les rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, comme signifiant, et il a expliqué que ça signifie pas seulement de se prosterner à eux et de s'incliner devant eux, mais que ça signifie de les obéir dans ce qu'ils ont changé des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, en changeant sa loi divine. Hein. Et après il dit, c'est-à-dire en permettant ce qui est interdit et en interdisant ce qui est permis. Et il dit que ça, c'est considéré comme étant une forme d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils se sont déclarés et ils se sont présentés comme étant des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir rendre licite ou illicite les choses. Et ça, celui qui les obéit, il dit celui qui obéit ces gens-là dans ce point-là, alors il les a pris comme des associés avec Allah dans la législation et dans le fait de rendre halal ou haram. Et ça, le cheikh il dit, ça fait partie du shirk qui est majeur, le shirk al-akbar. لقوله تعالى في الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. La preuve que c'est le shirk akbar, c'est que Allah dit à la fin du verset, et on ne leur avait ordonné que d'adorer un seul Dieu, Allah seul, et rien ne mérite l'adoration excepté lui, et qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin, subhanahu amma yushrikun, la preuve que qu'est-ce qu'ils font, c'est shirk billah. Et après, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un verset dans Sourate An-Nisa, il dit, et ne mangez pas de ce qu'on n'a pas mentionné le nom d'Allah en l'égorgeant, parce que c'est une perversité, c'est un acte, c'est un grand péché. Et après Allah dit, Et les shayatines, yani les diables, ils inspirent à leurs alliés des propos pour essayer de faire des argumentations avec vous et des disputes, pour essayer de vous confondre dans la vérité. Alors, il dit, si vous les obéissez dans ça, alors vous devenez vous aussi des mouchriquins, vous devenez vous aussi des associateurs, tu comprends? Et la raison de ce verset, pourquoi il avait été révélé, comme j'ai lu dans le tafsir, c'est que les gens de Quraysh ont envoyé quelqu'un au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça se fait que ce que vous coupez vous-même avec un couteau, vous le considérez comme halal, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a sacrifié ou a égorgé, c'est-à-dire l'animal qui est mort naturellement ou bien qui a été tué par un autre animal, eh bien vous le considérez comme un animal haram et vous n'avez pas le droit de le manger. Donc, en voulant dire, vous mangez ce que vous tuez vous-même et ce que Allah tue, vous ne le mangez pas. Alors c'est comme une sorte de shubha qu'il essaie de faire aux prophètes et aux musulmans pour essayer de les faire désobéir Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, « وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ » Si vous les obéissez, c'est-à-dire vous mangez la viande morte à cause de cet argument qu'ils amènent pour vous détourner de la vérité, parce que vous trouvez que c'est logique, hein, alors vous devenez vous aussi des mouchriquins. C'est-à-dire que c'est un verset en fait qui nous montre que on doit toujours mettre l'obéissance d'Allah devant toute chose. Même si quelqu'un nous amène une idée ou un argument qui peut nous sembler logique et raisonnable, mais si cette logique-là est contraire à la logique d'Allah et à la logique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que elle contredit l'ordre d'Allah, alors dans ce cas-là, on doit la rejeter puis mettre l'obéissance d'Allah en premier. On ne doit pas passer rien, que ce soit nos désirs, nos idées, nos pensées, nos valeurs, nos coutumes, nos traditions ou toute autre chose devant le Coran et la Sunna. Et juste pour donner un exemple de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, ne dépassez pas Allah et son messager. C'est-à-dire ne passez pas devant Allah et son messager. Et les ulama de tafsir, ils ont expliqué ça, ils ont dit, c'est-à-dire, ne passez pas devant Allah et son messager par vos opinions, par vos pensées, par vos idées, par votre logique, ou par toute autre chose. Ça veut dire que quand on a accepté de se soumettre à Allah, c'est-à-dire on a accepté de tout soumettre, d'accord? Et étant donné qu'on est convaincu et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître suprême et qu'il a une sagesse et une connaissance infinie, on sait que lorsqu'il nous enseigne de l'obéir et de nous soumettre à lui, c'est pour la meilleure des buts, la plus grande des sagesse et la plus grande c'est à la fin une conclusion qui est bonne pour les croyants. Mais bien entendu, les gens qui sont inspirés par les diables, ils amènent toujours des arguments pour essayer de détourner les croyants de l'obéissance d'Allah. Et donc c'est pour nous rappeler que on doit jamais suivre leur logique, parce que ces gens-là, ça veut dire quoi? Ils parlent premièrement sans connaissance, et deuxièmement ils parlent, en plus de parler sans connaissance, ils parlent selon leurs désirs et leurs passions. Donc même si par exemple leur argument semble logique, mais elle est toujours à la fin pour essayer de défendre leurs passions et de faire que les gens suivent leurs désirs, d'accord? Et toujours c'est basé sur le jugement d'ignorance. Après, le cheikh il dit, ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحلال في تحليل الحرام كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة للرجال أو للرجل في الميراث وإباحة السفور والاختلاط أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر والعياذ بالله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, parmi les exemples de ça, c'est-à-dire le shirk dans l'obéissance, il y a le fait d'obéir aux dirigeants et aux chefs d'État, dans le fait de juger par les lois qui ont été inventées ou fabriquées par l'homme et qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les lois qui permettent ce qu'Allah a interdit et qui, comme par exemple, qui permettent de faire la riba, les intérêts, qui permettent az-zina, comme par exemple ici, ou même dans les pays musulmans aujourd'hui, la plupart des pays musulmans qui n'appliquent pas la charia, ils disent, si deux personnes qui ont l'âge majeur décident d'avoir des rapports sexuels ensemble, en dehors du mariage, ils n'ont aucune punition. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est permis. Et ça fait même partie, des droits et libertés déclarés par la Charte des Nations Unies, d'accord? Donc pour eux, le fait de faire le zina, c'est totalement permis, et toute personne, selon les lois du gouvernement musulman, toute personne qui le fait n'a pas le droit d'être punie, tant qu'ils l'ont fait avec un consentement, qui sont les deux consentants pour le faire. Et ça, c'est les lois au Canada et partout aussi, c'est-à-dire que pour eux, la fornication, l'adultère, c'est pas considéré comme étant un crime et ni un péché. Donc tout est pour ça, pour eux, tout ça c'est halal. Par exemple aussi boire l'alcool. Il y a beaucoup de pays musulmans, ils acceptent, ils permettent le fait de boire de l'alcool dans le pays. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de punition spécifique pour boire de l'alcool et toute personne est libre de le faire s'ils veulent. Comme aussi le cheikh il mentionne l'égalité entre l'homme et la femme dans l'héritage. Et puis on sait qu'il y a des mouvements féministes et aussi des mouvements dans les Nations Unies aussi qui appellent les pays musulmans à changer ou à rejeter les lois islamiques qui sont contraires à la Charte des Nations Unies parce que pour eux, il faut que l'homme et la femme soient traités égales dans tout. Pour eux, l'homme c'est une personne et la femme c'est une personne. Et étant donné que les deux sont une personne, il ne faut pas qu'il y ait aucune distinction dans aucune des lois en ce qui concerne l'homme et la femme. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a mis des distinctions entre les règles qui concernent les hommes et les femmes? Allah subhanahu wa ta'ala est plus sage et plus savant que les êtres humains qui ont déterminé ces chartes et ces règles. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ces distinctions-là entre les règles concerne les hommes et les femmes pour une sagesse et pour une raison. Et c'est pas comme certains pensent, par exemple, que le Coran était révélé il y a 2000 ans ou il y a 1400 ans, et puis à cette époque-là, les gens vivaient d'une certaine façon parce qu'ils étaient dans le désert et ils n'avaient pas une technologie évoluée et avancée. Alors, ils pensent que le Coran et la Sunna sont des révélations, une révélation qui sont limitées par l'espace et le temps. Et donc pour eux, ils n'ont pas pris en conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le passé et il connaît l'avenir et il savait exactement qu'est-ce qui allait se produire de changement dans le développement technologique aujourd'hui dans le calendrier chrétien, on est dans l'an 2005 maintenant, c'est vrai. Mais aussi dans le calendrier musulman, on est en 1426, ouais. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que tout ce qui se produit allait se produire. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs des hadiths, il nous a même averti de choses qui allaient se produire même, et qui sont en train de se produire aujourd'hui, et qui même des choses qui ne se sont pas encore produites, mais qui vont se produire, et dont il nous en a parlé. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il savait très bien qu'est-ce qui allait se produire aujourd'hui. Et les règles qu'il nous a révélées, ce n'est pas des règles qui étaient limitées à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'époque où il n'y avait pas d'électricité, mais c'est des règles qu'il a révélées pour tout le temps jusqu'au jugement dernier. Et il y a dans ces règles-là et dans ces principes-là des façons d'extraire le jugement, même pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Les savants qui ont étudié le Coran et la Sunna et qui connaissent les règles des principes d'ijtihad sont capables, à partir des versets et des hadiths, d'extraire des jugements qui vont s'appliquer à n'importe quelle nouvelle situation qui va produire dans la vie des musulmans d'aujourd'hui. Et ça, c'est la même chose même pour les lois des kuffars, par exemple, les non-musulmans, ils ont un code, des codes, des lois et tout ça. Et lorsqu'il y a une nouvelle situation qui se produit, qu'est-ce qu'ils font pour amener des nouvelles lois? Eh bien, ils se basent sur les lois qu'ils ont déjà, et ils essayent, en s'inspirant et en se basant sur ces lois-là, de sortir une loi qui va être en accord avec le reste de leurs principes et de leurs fondements, et puis ils sortent ces règles-là. Donc, si ça c'est possible pour le faire pour leurs lois, alors pourquoi eux ils essaient de nier que ça soit possible pour nous les musulmans en nous basant sur le Coran et la Sunna, alors que nos lois sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus solides parce qu'elles viennent d'Allah. Hein? Donc, ça c'est une chose très importante à comprendre. Et qu'est-ce qui se produit dans les pays musulmans, comme par exemple le cheikh après avoir mentionné les gens qui critiquent le fait de vouloir, comme par exemple en Tunisie maintenant, ils ont changé la charia, c'est-à-dire ils ont renié la charia, ils ont mis l'héritage de l'homme et de la femme égal. En Turquie c'est la même chose, hein, et ils appellent ces pays-là des pays laïcs. Et en réalité on voit, en comprenant, si on a bien compris le tawhid et les fondements de l'islam, que la laïcité, en fait, c'est une des principes qui est totalement en opposé à l'islam. Et qu'un musulman ne peut pas accepter la laïcité. Si un musulman accepte la laïcité, c'est-à-dire qu'il accepte de permettre ce qu'Allah a interdit, ou d'interdire ce qu'Allah a permis, hein, parce qu'il met les lois des hommes au-dessus de la loi d'Allah, alors ça, en réalité, celui qui croit que ça, c'est permis de faire ça, il a quitté l'islam. Même s'il se dit musulman, même s'il fait la salat 5 fois par jour, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah 1 million de fois par jour, parce qu'il a rejeté ce qu'Allah a révélé. Hein? Après, le cheikh il dit, par exemple, وَإِبَاحَةِ السُّفُورِ وَالِخْتِلَافِ, c'est-à-dire le fait de permettre aux femmes de se dévoiler et de se mélanger aux hommes. Après, il dit, أَوْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ, ou aussi le fait d'interdire ce qu'Allah a permis, comme par exemple la polygamie, c'est-à-dire le fait que Allah a permis aux hommes d'avoir plus qu'une femme, jusqu'à 4. Hein. Allah il l'a permis dans le Coran. Alors un pays, un dirigeant ou un musulman ne peut pas arriver et faire une loi, écrire une loi qui vient pour interdire quelque chose que Dieu a permis. Et puis, pas juste l'interdire, mais de mettre et de légiférer une punition pour ceux qui vont le faire. Et aller dans certains pays, comme juste la Tunisie, juste pour mentionner comme exemple, celui qui va épouser 2 femmes, et il va aller en prison, d'accord? Donc ça veut dire que, juste pour donner encore un exemple, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui en Tunisie, il mettrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prison, parce qu'il avait plus qu'une femme. Donc, si on applique ces règles-là, si on applique leurs règles, leurs lois, et on les met au-dessus du Coran, alors celui qui croit en ces lois-là, et qui les accepte, et qui les met égales avec le Coran, ou qui pense que c'est permis de suivre ces lois-là, qui sont contraires à l'islam, alors ils ont quitté l'islam. D'accord? Alors, après ça, qu'est-ce qu'il dit encore, le cheikh? Il dit, « وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيرِ أَحْكَامِ اللَّهِ وَاسْتِبْدَالِهَا بِالْقَوَانِينَ الشَّيْطَانِيَّةِ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر والعياذ بالله. Donc c'est ça que le cheikh il dit. Celui qui il dit tout autre exemple de ce genre, parce que là il a mentionné seulement quelques points, mais il y en a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Et puis le cheikh il dit de changer les règles d'Allah et de les remplacer par les lois qui ont été faites par les shayatins parmi les hommes et parmi les djinns. Il y en a qui ont inspiré les hommes égarés pour faire ça. Alors, celui qui est d'accord avec eux dans ça, et qui a été satisfait de ces lois-là, et qui a cru que c'était une bonne chose, que ce sont des bonnes choses pour les gens, alors il est un mushrik, kafir, et que Allah nous protège. Hein? Donc, le cheikh dit que Allah nous protège. Donc, ça, c'est un sujet-là, aujourd'hui, qui cause beaucoup de paroles, beaucoup de discussions. Les gens là, ils en parlent beaucoup de ce sujet-là, parce que c'est ce qu'on vit maintenant depuis, avant même la colonisation des pays musulmans, il y a eu des changements dans les lois des pays musulmans, des gens qui se sont éloignés de la loi d'Allah. Et durant la colonisation, les pays des colonisateurs, les Français, les Anglais et l'autre, ont fait beaucoup de travail pour implanter leurs lois, hein, leurs lois dans les pays musulmans. Et lorsqu'ils sont sortis des pays musulmans, les musulmans qui ont fait les révoltes ou essayer de nationaliser le pays ou faire l'affaire d'indépendance, là, eh ben eux, malheureusement, c'était la plupart des gens qui étaient laïcs ou des gens qui avaient une idée nationaliste mais qui n'était pas basée sur l'islam. Et donc, eux, leur but, c'était pas de retourner à la charia, mais plutôt d'établir un gouvernement, un système qui est basé à l'image de qu'est-ce que les poufards de l'Occident, les chrétiens et les juifs, ont eux établi dans leur pays, en se basant sur les principes de la démocratie, et les principes de la laïcité et les autres principes de ce genre. Alors, c'est ça qui est dommage, et là, bon, c'est sûr qu'il y a encore en ce moment des musulmans qui sont en train d'étudier l'islam, d'essayer de comprendre l'islam, d'étudier le Coran, la Sunna, d'étudier la charia pour bien la comprendre, malgré que elle n'est pas appliquée partout dans tous les pays musulmans. Mais on travaille pour que, à l'avenir, même dans nos vies, même si nous on n'est pas, même si le gouvernement ne l'applique pas, mais nous dans notre vie privée, on essaie toujours que ces lois-là soient appliquées dans nos vies et qu'elles régissent nos activités et notre façon de vivre. D'accord? Et puis, Inch'Allah, lorsque Allah va voir que les gens sont sincères et que leurs cœurs sont purs, Inch'Allah, il va permettre aux musulmans d'avoir un dirigeant qui va les juger selon sa loi. D'accord? Et puis, il ne faut jamais oublier aussi une chose, c'est que peu importe que la loi d'Allah soit appliquée, comme par exemple en Arabie Saoudite, la loi d'Allah, c'est la loi qui règne. Et il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam malgré ça dans le pays. Donc, le fait que ce soit la charia qui soit appliquée, ça ne veut pas dire que ce sera un pays qui est parfait, qui n'aura pas d'erreur, qui n'aura pas de péché dedans. Parce que même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des musulmans qui ont fait l'adultère, il y a des musulmans qui ont bu de l'alcool, il y a des gens qui ont fait des péchés, qui ont fait des crimes. Et donc, il faut savoir que le but, de l'islam, c'est toujours d'essayer d'atteindre le meilleur niveau, de se rapprocher d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la perfection. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste pour couvrir ça. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Je vais juste continuer avec le sujet, qu'est-ce que le chef dit. Parce qu'il y a plusieurs dimensions à ce sujet-là. Là, il a parlé en ce qui concerne les lois et les dirigeants. Maintenant, il va parler en ce qui concerne l'obéissance des savants, des ulamas. Donc, le cheikh il dit, وَمِنْ ذَلِكَ تَقْلِيدُ الْفُقَهَا بِاتِّبَاعِ أَقْوَالِهِمْ الْمُخَالِفَةِ لِلْأَدِلَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوَافِقُ أَهْوَاءَ بَعْضِ النَّاسِ وَمَا تَشْتَهُونَهُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ أَنْصَافِ الْمُتَعَلِّمِينَ مِنْ تَلَمُسِ الرُّخَصِ والواجب أن يأخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويطرح ما خالفه قال الأئمة رحمهم الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, et parmi qu'est-ce qui fait partie aussi du shirk dans l'obéissance, il y a le fait de suivre aveuglément les fuqaha, les savants de fiqh, dans leurs positions qui sont contraires aux preuves, qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Parfois, certains parmi les fuqaha, dans le passé et présentement aujourd'hui, ont des positions sur certains sujets de l'islam qui sont contraires au Coran, aux preuves du Coran et aux hadith. D'accord? Et le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et lorsque certaines personnes trouve un savant qui a une position qui satisfait son désir, il le suit, même si c'est contraire à la preuve. D'accord? Alors ça fait partie du shirk dans l'obéissance. Parce que, en réalité, il ne se soumet pas à Allah. Son intention, c'est pas d'être sincère et de se soumettre à la volonté d'Allah, mais c'est plutôt de trouver, parmi les opinions des savants, l'opinion qui va satisfaire son idée à lui. Hein? Alors ça, c'est un manque total de sincérité. Et en fait, c'est comme le chef, il explique qu'en réalité, l'obligation, al-wajib, c'est de suivre, de prendre la parole du mujtahid qui est en accord avec la preuve, qui est en accord avec le dalil du Coran ou de la Sunna. Et le chef dit, et de laisser tomber ce qui est contraire à la preuve, ce qui est contraire au dalil. Par exemple, le chef dit, parmi les a'immas, parmi les grands imams de l'islam, hein, par exemple les quatre madahis, l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Ibn Hanbal, okay, et d'autres qui étaient à leur époque, qui étaient aussi grands que eux, et même avant eux et après eux, les élèves de ces imams-là, et leurs chouyours, c'est-à-dire leurs professeurs de ces chouyours-là, qui étaient plus grands parfois qu'eux-mêmes. Alors, eux, ils disaient tous ce que le chef mentionne maintenant, « Kullun yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Ça veut dire toute personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre sa parole et on peut la laisser. Excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'accepter, peu importe. Parce que il parle pas de lui-même, il parle de ce que Allah lui a révélé. Mais les autres êtres humains qui sont parmi les savants, ils peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. Donc, personne d'entre eux, tu peux dire, tu dois écouter tout ce qu'il dit et accepter tout ce qu'il dit. Parce que si tu fais ça en réalité, tu tombes dans le shirk. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? S'ils se trompent et tu les suis, volontairement et intentionnellement dans l'erreur, quand tu sais que le hadith est contraire à leur opinion, alors là, automatiquement, Yannis, tu risques de tomber dans le shirk. Le shirk, il cite par exemple la parole de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, dans laquelle Abu Hanifa dit, il va dire al-hadith, anna Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يريد رحمه الله أمثاله وأمثال الأئمة الكبار. Le Cheikh dit par exemple la parole de l'imam Abu Hanifa dans lequel Abu Hanifa dit, lorsque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vient, alors on le met sur notre tête, يعني sur nos yeux, notre tête, c'est-à-dire on le place au-dessus de tout. Okay. Après il dit, et si ça vient des paroles du Sahaba, alors la même chose, on le met sur notre tête et sur nos yeux. C'est une expression que les Arabes disent, hein, « ala ra'si wal 'ayn ». C'est-à-dire tu le mets par-dessus toute chose. Hein. Mais après il dit, « idha ja'a 'ani tabi'in », c'est-à-dire si ça vient par une parole des élèves des Sahaba, tabi'in, ceux qui ont suivi les Sahaba, il dit, alors là, il dit, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. C'est-à-dire, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison, et dans ce temps-là, on regarde. Et même les sahabas, ils peuvent se tromper, en fait. Sauf que, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, c'est considéré comme étant un ijma', considéré comme étant un consensus, et donc on l'accepte, sa parole, et on n'a pas le droit de le refuser, hein, parce que ils sont tous d'accord sur ce sujet-là. Mais le shirk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils sont des hommes et nous sommes des hommes, et de qui ils parlent en disant, ils sont des hommes, les tabi'in, et nous sommes des hommes, ils parlent de qui? Des gens comme lui, des gens comme l'imam Abu Hanifa, pas moi et vous et nous ici, ou même les chouyours qui existent aujourd'hui, on n'est pas au même niveau que l'imam Abu Hanifa, celui-là fait partie des mujtahidin, des grands ulama de l'islam. Et le cheikh il dit, وقد استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين الذين جعلوا أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدين وهم لا يزالون جهالا ولا شك أن الإمام أبو حنيفة لا يقصد مساواة العلماء بالجهال. Parce que pourquoi il explique ça, parce qu'il dit que certaines personnes ont utilisé cette citation de l'imam Abu Hanifa pour essayer de se mettre au même niveau que les tabi'in, hein, en voulant dire eux sont des hommes et nous aussi on est des hommes. Alors on peut se mettre à leur niveau puis dire accepter ou rejeter ce qu'on veut sans faire aucune distinction. Mais le cheikh il dit, mais ces gens-là qui ils sont encore ignorants dans leur... en fait, ils sont encore des ignorants. Ils n'ont pas encore atteint un niveau de science assez élevé pour qu'ils puissent penser qu'ils sont égaux avec ces savants-là. Et il dit, le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que l'imam Abu Hanifa, quand il parlait de, quand il disait que eux sont des hommes, nous sommes des hommes, il voulait pas dire que les savants et les ignorants sont égaux. Après, il cite la parole de l'imam Malik, Malik ibn Anas, il dit, wa qala Malik, rahimahullah, kulluna raddun wa mardudun alayh, illa sahiba hadha al-qabr, yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, l'imam Malik a dit, nous sommes tous, on peut tous réfuter les autres ou être réfutés, excepté celui qui est dans cette tombe. Parce qu'on sait que l'imam Malik, rahimahullah, toute sa vie, il est resté toute sa vie à la ville de Al-Madina, Al-Nabawiya, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a jamais quitté la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté pour faire le hajj. Alors, toute sa vie, il est resté à Al-Madina Al-Munawwara. Alors, quand on l'appelle, souvent, on l'appelle Imam Udar al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la ville, la maison du Hijra, c'est-à-dire là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré. Alors, on l'appelle Imam Udar al-Hijra. Et pourquoi il dit, on peut tous être réfutés et réfuter les autres, excepté celui qui est dans ce tombeau, il parle de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est seulement lui qu'on ne peut pas réfuter. Et c'est seulement lui qui peut réfuter les autres. Après, il dit, le cheikh, « وقال l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, إذا صح الحديث فهو مذهبي. » L'imam al-Shafi'i, il a dit quoi? Il a dit, « Si le hadith est sahih, si le hadith est authentique, alors ça, c'est ma position. » Et beaucoup des ulama, ils ont dit, comme il mentionne même une autre citation de l'imam al-Shafi'i, إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. Si vous voyez que ma parole est contraire à la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, alors lancez ma parole sur le mur, c'est-à-dire laissez tomber ma parole et suivez le hadith du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, parce que c'est ça mon madhhab, c'est ça ma position. Parce que il est possible que, par exemple, un des imams, comme Abu Shafi'i ou d'autres, n'était pas au courant d'un hadith en particulier, sur un sujet en particulier, et donc il est déterminé ou jugé, il a décrété selon une autre opinion, et s'il aurait su le hadith, il aurait pris ce hadith-là comme preuve, et il aurait accepté comme étant son madhhab à lui, mais il n'a pas eu l'occasion peut-être de le connaître, alors il a jugé autrement. C'est pour ça que l'imam dit, prenez pas ma parole, et puis vous rejetez la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, par exemple, juste pour vous donner un exemple, l'imam al-Shafi'i donnait un dars, et il mentionnait un hadith. Alors, un de ses élèves lui a dit, est-ce que tu dis ce hadith, est-ce que ça c'est ton opinion dans cette question? Est-ce que ce hadith-là que tu mentionnes, est-ce que toi tu vas agir selon ce hadith-là, tu vas le prendre comme preuve? Et l'imam al-Shafi'i a dit, est-ce que tu m'as vu que je sors d'une église? En voulant dire, est-ce que tu penses que je suis comme les juifs et les chrétiens, que je dis des choses puis je mentionne quelque chose puis je fais le contraire? En voulant dire que, yani, il peut pas mentionner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le laisser puis suivre une autre opinion que celle du hadith. Et ça montre l'attachement des sahaba et l'attachement des ulama après, qui sont venus après eux, pour la sunna. Et comment ils respectaient et ils honoraient la sunna. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont négligé et dénigré. Parce que, yani, ils croient que on peut laisser tomber la sunna quand ça nous plaît. Quand ça nous plaît pas, on la suit. Quand ça nous plaît, on la suit. Quand ça nous plaît pas, on la laisse tomber. Et ça, en fait, c'est un manque total de respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que son ordre, c'est comme l'ordre d'Allah. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, « وَمَنْ أَطَعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ ». «مَنْ يُطِعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ». Ça, c'est l'ayat dans le Coran. Celui qui a obéi au Rasul, au messager, alors il a obéi à Allah. Parce que c'est Allah qui lui ordonne d'enseigner aux hommes. Et donc, on doit l'obéir. Et c'est comme ça que, yani, on voit que les ulama ont honoré et respecté et élevé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si vous voulez savoir comment quelqu'un a le respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la sunna, regardez comment il agit envers la sunna. Comment il a du respect pour la sunna. Juste pour vous citer un exemple, quelque chose qui est arrivé. Il y a un hadith clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le khutbah, il faisait le khutbah de Jumu'ah, et un homme est rentré dans la mosquée, et il lui a demandé, est-ce que tu as fait deux rak'at? Parce que l'homme est entré et il s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu prié deux rak'at? Il a dit non. Il a dit, lève-toi et fais deux rak'at. Ok? Alors, l'homme s'est levé, il a fait deux rak'at. Et ça, c'est une preuve claire que quand tu rentres dans la mosquée, tu dois faire deux rak'at, même si l'imam est en train de faire le khutbah. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté son khutbah pour demander à cet homme-là, est-ce qu'il a fait deux rak'at. Et il y a un autre hadith aussi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous rentrez dans la mosquée et que l'imam fait le khutbah, alors faites deux rak'at rapides. Hein? Alors ça, c'est un hadith clair là-dessus aussi. Quelqu'un peut pas venir par exemple et dire, ah, mais dans le madhhab maliki, c'est pas permis de faire deux rak'at. Parce que, par exemple, ils vont dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler durant le khutbah. Et donc, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler avec les gens dans le khutbah, puis il a dit que ça c'est la roue, ça c'est avoir parlé. Et donc, si tu fais ça, t'auras pas la récompense du Jumu'ah. Donc, nous, on dit que c'est interdit de faire du rak'at. Ok, ça, on dit, ça c'est un hadith qui interdit de parler en général. Et c'est un hadith, on va dire, c'est général. Et il y a l'autre hadith qui dit de faire deux rak'at. Quand il y a deux hadiths qui semblent être en contradiction, les ulama, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient toujours de voir, est-ce qu'il y a une façon d'appliquer les deux hadiths sans qu'ils soient en contradiction l'un envers l'autre. Et la façon dont ils font, c'est qu'ils voient que, un, il est général, c'est un jugement général, et l'autre, il est spécifique. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera après, Inch'Allah.